J'ai un amant pour le jour et un mari pour la nuit. J'ai un amant pour l'amour et un mari pour la vie. Si je le trompe le jour, je suis fidèle la nuit. Ma vie se passe toujours en ciel de lit. J'ai pris l'amant pour mari et un amant pour amant qui deviendra mon mari aussi longtemps que je n'aurai pas envie de prendre un nouvel amant qui remplacera mon mari en attendant. Je suis belle pour mon amant, je suis laide pour mon mari, si douce pour mon amant, méchante pour mon mari. L'air remplace mon mari, lui ne vaut pas mon amant, c'est une chose établie depuis longtemps. J'ai pris l'amant pour mari et un amant pour amant qui deviendra mon mari aussi longtemps que je n'aurai pas envie de prendre un nouvel amant qui remplacera mon mari en attendant. J'ai un amant pour le jour et un mari pour la nuit. J'ai un amant pour l'amour et un mari pour la vie. Si je le trompe le jour, je suis fidèle la nuit. Ma vie se passe toujours en ciel de lit. Ma vie se passe toujours en ciel de lit. Ma vie se passe toujours en ciel de lit. Ah.